Chapitre 23e, le baiser dans l'ombre. À l'entracte, Simonet alla saluer son chef, le ministre des Affaires étrangères. M. Desboisbilly, plein de complaisance pour son jeune parent, lui avait dit dans la journée « Vous avez, mon cher Simonet, votre place dans ma loge. Mais je sais qu'il vous est plus agréable de passer la soirée avec vos deux amis que parmi les personnages officiels qui vont m'entourer. Faites donc comme il vous plaît. Venez seulement me dire bonsoir au cours de la représentation. » Donc, à un entracte, Simonet monta dans la loge qu'occupait M. Desboisbilly. Les deux capitaines l'accompagnaient. Après cette visite, le trio se sépara. Chacun des trois amis alla séparément remplir ses devoirs mondains. Le capitaine de la Rochardie se dirigea vers la loge du ministre de la Guerre. Le capitaine de Montgomery se rendit chez l'ambassadeur d'Angleterre, où il retrouva son ami Evans, le courrier de cabinet qui était venu quelques jours auparavant apporter de la part du Foreign Office des documents importants du ministre des Affaires étrangères. Ces documents, nous le savons, étaient sous bonne escorte, surveillés par Paulin Broquet, arrivés à bon port, remis au ministre français et avec soin mis aux clés dans l'armoire de fer. Or, dans la journée même de ce soir de gala, Paulin Broquet avait appris, d'un homme à lui, placé au service du contre-espionnage en Allemagne, que des documents avaient la veille passé la frontière. Ces documents, lui disait son homme, avaient rapport à des négociations nouvelles entre la France et le Royaume-Uni. Paulin Broquet, très ému par cette révélation, n'avait cependant pas cru devoir tout de suite informer le ministre de ce fait déplorable. Il tenait, avant de le faire, à se livrer à une enquête sérieuse, qu'il pressentait des plus délicates, des plus difficiles. « Maintenant, se dit-il, que le jeune Reynaud est sous les verrous, que nous avons les preuves indéniables de sa culpabilité, les fuites continuent. Il y a donc encore quelqu'un au cabinet du ministre qui se livre à cet odieux commerce. » Avec angoisse, Paulin Broquet se demanda « Quel est ce misérable ?» Il devait, pour répondre à cette question, tout d'abord procéder à une enquête auprès des chefs des divers services qui avaient eu connaissance de ces documents. Cela ne pouvait se faire en un jour. Il devait aussi, et cela du plus profond de son cœur, il souhaitait que cela fût ainsi, s'assurer si ce n'était pas, avant le départ de Londres, que la fuite incriminée avait pu se produire. Mais malgré lui, comme une douleur sourde et lancinante, qui ne laissa pas un moment de repos à sa mémoire, se représentait incessamment la scène dont il avait été témoin derrière la porte de cuir, dans le couloir du cabinet de Simonet. Constamment, devant ses yeux passait la silhouette charmante, ondoyante, le glissement de sirène de la délicieuse petite banquette de la comtesse Varsovia. À ses oreilles résonnait sa voix volontaire, tendre, pleine de caresses, disant à Simonet « Tu me le promets, tu me les apporteras ». Le baiser long, ardent, plein de passion qui avait scellé ce marché, claquait encore dans son tympan exaspéré. Et même ici, à l'opéra, dans cette foule, par ces corridors pleins de monde, dans ce foyer immense, où tant de femmes laissaient comme un sillage embaumé, il croyait reconnaître son parfum à elle, le parfum blond, dont la comtesse Varsovia avait rempli l'escalier de pierre qui menait au bureau de Simonet. Mais ce ne devait être là qu'un effet d'imagination, une de ces erreurs que les sens surexcités commettent sous l'effort de la pensée trop tendue. À l'entracte suivant, Simonet alla présenter ses hommages à la belle comtesse Pepa d'Ortega. Alors, Paulin Broquet se dit, le voyant empressé auprès de la radieuse femme, « C'est celle-ci qui tient son cœur, c'est de celle-ci qu'il est amoureux. L'autre, la comtesse Varsovia, n'a plus que le second rang, si jamais elle a occupé le premier. » Mais il se demanda inquiet, cependant, qu'a-t-elle pu lui demander? Qu'a-t-il pu lui promettre? Une autre question, depuis longtemps d'ailleurs, se posait à son esprit. Pourquoi, dans quel but, la belle comtesse Pepa d'Ortega se livrait-elle avec Simonet à ce jeu d'amour? Pourquoi l'avait-elle attirée chez elle? Pourquoi était-elle devenue sa maîtresse? Pourquoi, enfin, le marquis Don Isigo autorisait-il, favorisait-il même ce manège? De la part de la comtesse, bien qu'on ne pût jamais répondre d'un cœur de femme, il ne pouvait être question d'amour, d'emballement, de passion. Comme bien souvent les femmes brunes, la comtesse avait, dans les yeux, seulement son ardeur. Rien de décevant comme la brune, dont le regard est de feu et le corps de glace. Or, la belle Pepa était, à n'en pas douter, une femme d'intrigue, qui, sous une allure affolante de voluptueuse, restait froide, suivait un but précis, et ne faisait rien sans avoir longuement calculé et pesé l'acte qu'elle accomplissait, et que son sourire incendiaire faisait croire spontané d'instinct. Cette femme n'avait jamais dû aimer. Peut-être n'avait-elle elle-même pas de sens. Elle devait être toujours maîtresse d'elle-même, très forte, d'autant plus redoutable qu'elle donnait l'illusion de la passion et que son sourire rendait fou. C'était la femme fatale. Non, la femme fatale des anciens mélodrames, sombre, sinistre, guettant dans l'ombre avec un long poignard à la main, les yeux creux, les lèvres minces et pâles. C'était la femme fatale qui enivrait de son charme, celle qui se donnait pour mieux prendre, celle qui étranglait dans une caresse, étouffait sous le baiser de sa bouche rieuse et rouge. Simonet, lui, gentil garçon, ne se distinguait pas des autres jeunes hommes qui papillonnaient autour de Pépa, ne pouvait dégeler ce cœur fermé, éveiller cette âme d'intrigante. Ce n'était pas l'homme à provoquer la passion, à affoler une femme de cette trempe. Simonet, se dit le détective, n'a pour lui que sa place auprès du ministre des Affaires étrangères. Il a la garde de l'armoire de fer aux documents précieux. Cela seul, rien que cela, doit compter pour la belle Pépa d'Ortega, et surtout pour celui qui est ici son frère, pour le marquis Don Isigo Martolo, l'homme aux yeux verts. Paulin Broquet se disait cela avec anxiété. Mais il souriait cependant en voyant la mine furibonde, les moustaches hérissées, les reins cambrés du baron de la Roucoulière, qui, le pauvre homme, était loin de soupçonner tout cela, et qui, pendant que son rival heureux était comme en extase sous le charme de Pépa, ruminait en son crâne pointu et surchauffé la fameuse botte infaillible de la Roucoulière. Anxieux, le détective se promenait dans les couloirs, tâchant maintenant d'éviter les personnes de connaissance et donnant à sa physionomie l'air le plus indifférent du monde. Cependant, il s'était posté dans un coin du foyer du public, dans l'embrasure d'une des fenêtres donnant sur la place de l'Opéra. De là, caché dans l'ombre, il pouvait surveiller le couloir par où, tout à l'heure, Simonet serait obligé de passer pour regagner sa place et rejoindre ses amis. L'acte nouveau était commencé. L'orchestre, déjà, discrètement, vérifiait si les instruments étaient toujours d'accord. Simonet ne quittait pas la loge de Pépa. Cependant, le grand foyer était désert. Les couloirs mêmes n'avaient plus que de rares retardataires se hâtant de regagner leur place. Enfin, Simonet apparut rayonnant, souriant à la vie, semblant avoir acquis des ailes dans son bonheur et pensant que les marches de marbre qu'il allait descendre étaient des nuages roses. Tout à coup, devant lui, se dressa, semblant sortir d'une des grosses colonnes d'onyx qu'il avait jusque-là cachée aux yeux du détective, une femme blonde en ravissante toilette, souple, ondoyante, d'un charme exquis. À sa vue, Simonet s'arrêta, puis il vint à elle. La femme blonde se rapprocha de lui. Elle tenait à la main un large éventail de plumes. Maintenant, elle était si près de Simonet que son épaule nacrée touchait l'habit noir, que ses cheveux blonds effleuraient des moustaches. Ils ne se dirent que deux mots rapides. Paulin Broquet se précipita pour voir, écouter. Mais Simonet avait déposé un baiser furtif sur le gant blanc et reprit sa marche radieuse. Quant à la femme blonde, comme par enchantement, elle avait disparu dans une loge. Paulin Broquet ne trouva d'elle que la trace de son parfum subtil, le parfum que dans la soirée, ici déjà, il avait, à diverses reprises, surpris, reconnu entre mille, le parfum qui avait au ministère des Affaires étrangères envahi délicieusement l'escalier de pierre, le parfum blond enfin de la comtesse Varsovia.